les jours. Moi levé matin yo, moi joint jardin comme Claudie. Moi formé un joli bouquet, les plus jolies fleurs du jardin. La rose et le béguin, leur soleil chevalier de nuit. La rose et le béguin, leur soleil chevalier de nuit. Tous les jours, moi levé matin yo, moi joint jardin comme Claudie. Moi formé un joli bouquet, les plus jolies fleurs du jardin. La rose et le béguin, leur soleil chevalier de nuit. La rose et le béguin, leur soleil chevalier de nuit. C'est pour Marie-Josmi, gardez comme fleur qui jodia. Ce qui a mouru, fait la pluie tomber de temps en temps. Et c'est celui qui fait soleil lever longtemps moins. Moi qui a prié mon Dieu pour le protéger à mon nous. C'est pour Marie-Josely, gardez comme fleur qui jodia. Parce qu'il a mouru, fait la pluie tomber de temps en temps. Et c'est celui qui le soleil levé longtemps moins. Moi qui a prié bon Dieu pour le protéger à mon eau. Yeah.